AXA, premier assureur des pros. Tenons, mortaise, onglet, elle travaille le bois. Moi, j'y comprends rien, mais tant qu'elle se blesse pas... Soutenir sa fille, pour Thierry, ça va de soi. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend et on vous propose les garanties adaptées aux risques de votre entreprise. AXA, plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. L'histoire ne s'arrête jamais, mais pendant l'été, le cours de l'histoire marque une pause, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines émissions déjà diffusées. On se retrouve dès le 28 août avec une nouvelle saison du cours de l'histoire et une programmation toute neuve. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Aux racines des Landes, un pin, c'est tout. La Lande est une terre inculte avec des bruyères, des ajoncs. Mais les Landes, c'est tout autre chose. En 1852, Jean Simon, géomètre en chef du cadastre, fait paraître un projet de colonisation d'une partie des Landes de Gascogne et de Bordeaux. Il explique que le département de la Gironde et celui des Landes se composent chacun de deux parties bien distinctes. L'une parfaitement cultivée, riche, bien peuplée, bien pourvue de routes fertilisées par un grand nombre de cours d'eau. L'autre, presque inculte, consistant en landes, bruyères, étangs, lagunes, marais et dunes, mais généralement sans industrie, sans bras agricoles, sans capitaux, sans chemins solides. De ces terres incultes est né le plus grand massif forestier de France. Alors, direction le sud-ouest. Bon, on est où là, s'il vous plaît? Entre Arcachon et le Mouleau. Entre Arcachon et le Mouleau. Mais c'est quand même un petit peu plus Arcachon, hein? Oui, enfin... Si, c'est plus Arcachon. Bon, apparemment, c'est plus près d'Arcachon. Nous voici dans les Landes, Jacques Sargos, bonjour. Bonjour. Les Landes, aujourd'hui, l'imaginaire nous conduit dans un massif forestier des pins. Voilà, nous imaginons cela très facilement. Reste-t-il un espace qui permet de saisir ce que pouvaient être les Landes avant ce massif forestier? Non, je pense que cet espace a été complètement recouvert. Il en reste le nom, les Landes, puisque paradoxalement les Landes sont aujourd'hui une grande forêt. Et je tiens quand même à dire que ce qui est assez exceptionnel dans les Landes, d'abord, ce n'est pas, comme vous l'avez dit, le département des Landes uniquement. Les Landes, c'est une vaste région géographique qui va du haut de la Gironde, puisqu'il a, cette région inclut la presqu'île du Médoc, quasiment jusqu'au bas du département des Landes, la Chalosse étant exclue, et inclut également une partie de Lot-et-Garonne, il faut le dire, parce qu'on parfois on l'oublie, le Lot-et-Garonne avait pas mal de Landes, c'est-à-dire de déserts, de régions désertiques. Et cette région naturelle, pour la comprendre, excusez-moi, il faut le dire avant de commencer, a deux caractéristiques. D'abord, un manteau de sable, qui est de formation relativement récente, à peu près une quinzaine de milliers d'années, mais qui est un manteau qui a, je dirais, recouvert toute la surface des Landes, et qui fait que c'est un terrain extrêmement pauvre, c'est un sol très pauvre, alors a priori, qui portait beaucoup de végétation, même dans les Landes anciennes. Hippolyte Taine parle d'une espèce de mer végétale extraordinaire. Il y avait des bruyères, des ajoncs, des herbes qui s'appelaient de la molinie, des fougères, donc c'était de la broussaille à perte de vue, ce n'était pas le Sahara français poudré de sable blanc dont parlait Théophile Gautier, mais néanmoins c'était un sol quasiment stérile, et pour cultiver ce sol, il fallait un équilibre entre, d'une part, les cultures vivrières, qui étaient non pas du blé, mais des cultures pauvres, du seigle, du maïs, et d'autre part, des pâturages, parce que c'est le fumier des moutons, que les moutons produisaient sur une litière dans les parcs à moutons, et la litière, c'était les plantes coupées dans la lande. Et il fallait donc élever quantité de moutons sur d'immenses superficies en pacage, afin d'apporter le fumier nécessaire pour produire sur quelques cultures. Oui, parce que les Landes, ce désert que vous évoquez, Jacques Sargos, mais avant vous, tant d'autres ont utilisé ce mot de désert pour qualifier cette région. Ce désert n'était pas désert en tant que tel. Il n'y a jamais de désert. Il y avait des habitants, des gens, des qui. Alors, de l'élevage et un peu de culture. Mais c'était très difficile tout de même. Alors, c'est un pays très difficile. Et la première chose qu'il faut dire également, c'est le mérite des habitants qui, depuis... je dirais, au peut-être pas la préhistoire, enfin encore la préhistoire peut-être, mais surtout depuis au moins l'époque gallo-romaine, avait réussi à trouver les moyens de survivre sur ce sol et peu à peu de, comment dire, de le coloniser, de le cultiver, de l'améliorer, et notamment, on en parlera tout à l'heure, par la culture du pain maritime. Mais c'est vrai que c'était un désert en trompe-l'œil, et désert en trompe-l'œil, parce qu'évidemment les gens qui passaient sur les grandes routes qui allaient, les grandes routes qui n'étaient pas vraiment des routes d'ailleurs, qui avaient de très mauvais chemins. Il fallait 4 jours pour aller par exemple de Bordeaux à Bayonne en diligence. Et les gens qui voyaient ces immenses superficies désertiques, avec de temps en temps, de loin en loin, quelques bergers sur échasse vêtus de sa peau de bête et de son bonnet, se disaient c'est un pays de sauvages et c'est un désert. Mais ce n'était pas un désert. Et en plus, il faut dire que ce pays, tout le monde pensait, si c'est un désert, il n'y a pas de propriétaire, il n'y a pas de propriété, ils ignorent tout ça, c'est des sauvages. Eh bien non, non seulement tout ça était des propriétés, mais il y a des procès qui parfois duraient plusieurs dizaines d'années, voire plus d'un siècle, pour la contestation de telle ou telle propriété, lande communale, etc. Et puis, nous entendrons les moutons, parce que les moutons sont aussi personnages essentiels de cette économie. Ça veut dire qu'il y a les bergers, vous avez évoqué Jacques Sergos, les bergers sur des échasses. Donc il y a un folklore qui s'est construit autour de cela, mais ce folklore s'appuie sur une réalité vécue. Élevage dans ces landes, était-ce un élevage reconnu? Est-ce un élevage qui permet d'exporter, de faire profiter ceux qui sont là à travailler dur sur des terres qu'on a qualifiées d'incultes? Alors, la principale fonction des moutons, c'était évidemment, comme je vous ai dit, de produire la litière et le fumier. Néanmoins, ils produisaient également de la laine, on vendait des agneaux, on parlera peut-être tout à l'heure du fait que les Landes n'étaient pas une économie enclavée, c'était, je dirais, un pays d'exportation. Et notamment, on exportait entre autres de la viande, de la laine, et puis également, il n'y avait pas que des troupeaux de moutons. Il y avait des troupeaux de gros bétail, par exemple au Médoc, à l'époque de Louis XIV. Il y a un géographe qui s'appelle Claude Mas qui a fait la carte du Médoc et qui, à ce moment-là, apportait des témoignages très précis. Il y avait des troupeaux absolument considérables de gros bétail, des vaches quasiment sauvages, avec des bergers qui, là, étaient des gens absolument redoutables parce que c'était le Far West. Ils se pillaient les moutons entre eux, ils avaient des mœurs incroyables, ils vivaient à la dure, etc. Tout ça nous est raconté dès l'époque de Louis XIV. Et il y avait aussi beaucoup de transhumance, de troupeaux venant des Pyrénées pendant l'hiver. Puisque ces gigantesques landes, dont certaines étaient malgré tout assez vacantes, pouvaient être tout simplement louées à des troupeaux venus des Pyrénées pour la transhumance. Ces landes, aujourd'hui forêts, possédait déjà sans doute des forêts. Peut-on imaginer les Landes sans bois, complètement sans bois? Y a-t-il une forêt qui existait avant les Landes d'aujourd'hui? Il y a bien sûr une forêt qui existait. Alors d'abord, il faut savoir que dans les Landes aujourd'hui, il y a plusieurs types de forêts. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de cette forêt que l'on peut dire artificielle, parce que créée par la main de l'homme, et qui a occupé les vastes pâturages désertiques qui existaient encore sous le Second Empire. Mais, alors, première chose, c'est que cette forêt artificielle ne date pas du Second Empire. En fait, je pense qu'elle commence à se mettre en place dès la fin du Moyen-Âge, et particulièrement dans le sud des Landes, la région qui est un peu au-dessus de Bayonne, et elle profite en ça de la proximité du port de Bayonne, puisque Bayonne notamment travaille avec les Espagnols. Il faut savoir également que les produits de la forêt landaise, pendant assez longtemps, enfin jusqu'au XIXe siècle, étaient également appelés des munitions navales. On produisait dans les Landes une forme de goudron qui s'appelait le brégras, qui permettait de calfater les coques des bateaux et d'enduire les cordages. C'était indispensable à la marine. Et quels étaient les principaux clients du port de Bayonne et aussi de celui de Bordeaux, mais surtout de Bayonne, pour les munitions navales? C'était évidemment l'Espagne qui était la plus grande puissance coloniale et maritime de cette époque. Je parle du XVIe siècle. Et d'autre part, il y a une région qui s'appelle le Marensin, où la forêt artificielle s'est développée très tôt, moi je pense donc dès la fin du Moyen-Âge, parce qu'il y avait un canal naturel qui reliait le Marensin, on connaît Port d'Albret ou Vieux-Boucau, et Cap-Breton, un canal naturel reliait le Marensin à Bayonne, c'était tout simplement l'embouchure de la Dour, qui jusqu'à 1570 et quelques, se jeter dans les Landes et non pas à Bayonne. Il faut savoir que les Bayonnais, au XVIe siècle, ont détourné le cours de la Dour pour se réapproprier le trafic. Mais auparavant, c'est un canal naturel qui portait les produits forestiers. Alors, mais à côté de cette forêt artificielle, il y avait des forêts naturelles dans tous les espaces qui étaient naturellement drainés. Parce que le gros problème des Landes, le second problème, c'était la faiblesse du réseau hydrographique sur un sol qui était jeune. Et évidemment, donc, le manque de drainage d'une grosse partie du plateau landais, qui du coup se retrouvait marécageux, extrêmement humide, pendant l'hiver. Donc, le problème du drainage, c'est que beaucoup de terrains n'étant pas drainés, étant très humides, le pin ne pouvait pas se développer. Mais il y avait des zones qui étaient naturellement drainées. D'abord, les vallées, comme par exemple la vallée de la Leyre. Elles étaient peu nombreuses, mais il y en avait. Et le long de ces cours d'eau naturels, des forêts s'étaient développées, des forêts de pins et de chênes. Et il est même vraisemblable, elles s'étaient développées de manière naturelle, il est même vraisemblable que d'ailleurs, quand des habitations ont commencé à se fixer, il est probable qu'on ait commencé à défricher dans les zones les plus favorisées. Et puis vous aviez également, le long du littoral, qui, comme vous le savez, est fait de dunes, vous aviez des vieilles dunes. Il y a eu deux générations de dunes. Et les premières dunes, les vieilles dunes, on les appelait des montagnes, et elles étaient couvertes de forêts et de forêts de pins. Et là, vous aviez des forêts souvent composites. Il en survit aujourd'hui quelques-unes, comme par exemple la fameuse forêt de la Teste, qui a un statut juridique complètement rocambolesque, parce que c'est un statut juridique qui remonte au Moyen-Âge, avec des problèmes entre les ayants peint, les non-ayants peint, les usagers, les seigneurs, etc., les coutumes, les usages et des procès à n'en plus finir. Tout ça, c'est parce que c'est une vieille dune avec des statuts qui remontaient donc au Moyen-Âge. Et vous aviez le plus de ces vieilles dunes, vous en aviez à Biscarrosse, vous en aviez dans le Médoc, et vous en aviez beaucoup également dans le sud des Landes, où l'économie forestière a pu commencer à se mettre en place avec des forêts naturelles, avant de passer à la colonisation de la lande elle-même. Voilà, mettons de côté notre représentation des Landes comme un désert absolu, inculte, qui aurait été boisé au XIXe siècle. Il y avait donc déjà des forêts plantées depuis le Moyen-Âge et des forêts naturelles. Bonjour Paul Arnoux. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes géographe, professeur émérite à l'École normale supérieure de Lyon. Et dans cette réflexion sur cette forêt étonnante, hein, ce plus grand massif forestier français, les Landes, une forêt que l'on imagine plantée au 19e siècle uniquement, c'est beaucoup plus complexe. Dans l'histoire de la forêt, c'est compliqué. La forêt n'est pas toujours plantée, n'est pas toujours naturelle. Il y a une histoire de la forêt. Le nom de forêt landaise, déjà, effectivement, c'est la contradiction entre... On mélange un paysage ouvert et puis la forêt qui est le type du paysage fermé, clos. Donc on a là tout le paradoxe de cette forêt. Et actuellement, effectivement, c'est une forêt au-dessus de la lande. Cette lande avec 4 ou 5 espèces dominantes qu'a évoqué Jacques Sargos, qui sont la fougère-aigle, la jonc, les bruyères et puis une herbe, la molinie. Et tout ça qui fournit un combustible fabuleux quand c'est sec. Ça s'embrase de façon très, très rapide. Il y a eu de la lande, il y a eu de la forêt. La forêt, on ne sait pas si elle était sur l'énorme plateau landais qui s'étend sur des centaines de kilomètres sur le littoral et puis qui s'enfonce comme un grand triangle, comme une pointe de flèche vers l'intérieur, vers l'Armagnac, la Chalosse et tout ça, et jusqu'à une ville qui marque la fin des Landes, qui est Nérac. On a là, effectivement, un paysage qui, on a appelé ça le désert. Alors, c'était logique de l'appeler le désert, parce qu'il y avait un matériau qui est le matériau type du désert, qui est cette énorme voile sableux partout, et puis ces édifices sableux du littoral avec plusieurs générations de dunes, qui sont des dunes typiquement sahariennes. Vous avez des barkanes, vous avez des dunes hyperboliques, vous avez les dunes longitudinales qui donnent ces formes qu'on appelle les monts et les lettes, des petites montagnes et des petits creux. On donne le nom de montagne à n'importe quoi. À Paris, on parle de la montagne Sainte-Geneviève, les Flamands, ils ont les monts des Flandres qui sont des taupinières. Mais on a là donc un paysage de dunes littorales qui sont exactement les mêmes dunes qu'au Sahara. Donc les ingénieurs qui avaient été rouler leur bosse en Algérie ou en Tunisie ou au Maroc ont retrouvé des paysages qui avaient des airs de famille. sur le littoral. Donc le mot désert avait sa justification. Les ingénieurs, mais les poètes aussi, Théophile Gautier. Les Parisiens imaginaient que les Landes étaient un puits de sable et donc un puits de désert semblant le Sahara. On se souvient des vers de Théophile Gautier. On ne voit en passant dans les Landes désertes vrai Sahara français poudré de sable blanc. Surgir de l'herbe sèche et des flaques d'eau verte d'autres arbres que le pin, avec sa plaie au flanc. Sans regretter son sang qui coule goutte à goutte, le pin verse son baume et sa sève qui bout, et se tient toujours droit sur le bord de la route, comme un soldat blessé qui veut mourir debout. Le poète Théophile Gautier au XIXe siècle qui compare les Landes au Sahara. Jacques Sargos, ce Sahara, à qui appartient-il ? Alors, là, on est en face d'un grand malentendu, qui d'ailleurs a été, je dirais, un malentendu de l'Occident vis-à-vis de tous les pays qu'il a entendu coloniser. C'est que le 19e siècle et le 18e fonctionnent avec une vision de l'histoire, d'ailleurs en partie illustrée par Buffon, qui est celle d'une grande évolution du monde primitif, de la sauvagerie, vers le progrès, vers le monde moderne. Évidemment, un pays comme les Landes a tous les aspects extérieurs, pour des gens qui ne le voient qu'à travers la fenêtre d'une diligence, a tous les semblants donc d'un pays totalement primitif. À savoir, d'abord, à première vue, il n'est pas cultivé, puisqu'on ignore complètement l'équilibre entre les champs cultivés et les pâturages. Donc ce pays n'est pas cultivé, et s'il n'est pas cultivé, c'est que soit il manque de bras, c'est qu'il n'y a personne, ce pays vide, soit alors les quelques habitants que l'on voit, à savoir, comme on ne traverse pas les villages en diligence, on ne voit que les pasteurs sur leurs échasses. Les pasteurs qui sont tout simplement le prolétariat des Landes, il faut dire. Il y avait dans les Landes une société rurale tout à fait normale, hiérarchisée, il y avait un peu de tout, mais quand on traversait rapidement les Landes, on ne voyait que les pasteurs et les moutons, et on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Qu'est-ce que c'est que ces sauvages vêtus de peau de bête ? On a parlé d'ailleurs de créatures qui ne diffèrent des animaux que par la forme. On trouve des textes où, par exemple, il y en a un qui dit que le landais est la créature intermédiaire tant cherchée entre l'homme et le singe. Mais si ces textes étaient de temps en temps quelques perles disséminées... Non, en fait, il y a des dizaines et des dizaines de textes de cette eau-là. Donc, à ce niveau-là, ça forme carrément une pensée collective, une idéologie qui a joué contre les Landes. Et ça veut dire autre chose, c'est que à partir du moment où c'est un pays sauvage, les sauvages, il faut les civiliser. À partir du moment où ce pays est désert et inculte, eh bien, il faut appeler des gens qui seront assez intelligents, assez vaillants, pour le cultiver. D'où des projets complètement rocambolesques de colonisation, où on a, à la grande époque rationnelle, et puis à la grande époque des messianismes, des prophètes du progrès, on a imaginé des plans totalement délirants de colonisation des Landes, où il était question de faire venir, alors tantôt c'était des Suisses ou des familles allemandes, mais ça pouvait également être des indigents, des forçats, des enfants trouvés, des rosières à marier, des mendiants, etc. On n'était pas très loin d'époque du grand renfermement, et à savoir, il fallait d'office autoritairement mettre tout ce monde-là dans les Landes, leur donner une bêche et une petite maison, et puis des maisons bien alignées de préférence avec un ordre moral impeccable, et puis on envisageait donc de créer des colonies de dizaines de milliers de gens dans les Landes, qui évidemment, vu la faiblesse du sol, étaient incapable de les accepter. Et au passage, l'idée que ces Landes pouvaient appartenir à quelqu'un était complètement étrangère à tous ces génies de la colonisation. Or, les Landes avaient des propriétaires et elles avaient une structure foncière extrêmement complexe, et avec notamment, il ne faut pas les oublier, que d'une part, sous l'Ancien Régime, il y avait des seigneurs, il y avait un régime féodal qui prévalait, et d'autre part, il y avait les communautés qui, et tous les deux, et seigneurs et communautés, avaient des droits sur ces communes, et des droits pour lesquels, je dirais, elles se querellaient en permanence, parce que les seigneurs voulaient récupérer des Landes notamment pour y planter des pins qui étaient beaucoup plus fructueux, évidemment, que l'élevage du mouton, tandis que les communautés paysannes voulaient garder un maximum de parcours pour préserver leur troupeau et leur capacité de culture. Oui, nous sentons bien hein, des tensions, des rivalités liées à la propriété. Et puis cette représentation du landais qui est fascinante, hein, ce chaînon manquant entre l'homme et le singe. Non, c'est pas le landais quand même. Mais dans ces histoires de représentation, il y a la forêt. 17e, 18e, 19e siècle, les landes, Paul Arnoux, ne correspondent pas à l'idéal de la forêt. Comment s'imagine-t-on une forêt? Les landes, c'est l'anti-vision idyllique d'une forêt. C'est tout plat et parfois il y a quelques pins. C'est vrai que c'était un grand basculement. Hier, vous aviez André Corvol qui vous a décrit la forêt d'Haute-Sérésime, qui n'est pas la forêt vierge, la forêt touffue, la forêt impénétrable, qui était une forêt ouverte, avec des animaux à tous les coins de rue. Vous aviez la forêt d'Ancien Régime, c'était une forêt d'arbres bas, d'arbres taillis, avec une multitude de brins, de rejets, et qui était une forêt nourricière et une forêt, je l'ai appelée forêt à tout faire. Elle servait à l'industrie, mais aussi à la nourriture pour cuire les aliments. Et on avait donc là un milieu forestier aussi où il y avait toutes les bêtes qui y venaient, les vaches, les chevaux, les moutons. Et c'était une forêt extrêmement bruyante. Ça beuglait, ça meuglait, ça, il y avait des sifflets, il y avait les cloches des animaux. Donc, il faut l'imaginer aussi sur le fond sonore de la forêt. C'était quelque chose de tout à fait particulier. Au 19e siècle, avec le début des grands reboisements, alors, les Landes, c'est le prototype, c'est 1 million d'hectares. Il y avait déjà des pins, mais là, c'est l'explosion, ça devient systématique. C'est la grande monoculture sur 2 départements, 1 million d'hectares, 10 000 kilomètres carrés, donc la superficie de 2 départements. Mais on va avoir la même chose en Sologne, où ça sera pas sur des millions d'hectares, mais ça sera sur des dizaines de milliers d'hectares. Et dans la Champagne dite pouilleuse, où on va mettre aussi des pins noirs d'Autriche. On a là un bouleversement complet. On n'est plus dans le modèle forestier d'Ancien Régime, c'est un nouveau modèle forestier qui se met en place et qui va être un modèle qui va être l'objet de contestation parce que la monoculture, c'est une forêt de résineux qui va à l'encontre de nos forêts soi-disant gauloises où le chêne et les feuillus sont les arbres dominants et qui va s'inscrire dans une rivalité franco-allemande. Les Allemands, c'est les forêts noires, c'est les forêts d'épicéas, c'est les forêts de sapins. Nous, c'est les forêts de chênes, c'est les forêts de feuillus, et les résineux, ça n'a pas le vent en poupe. C'est aussi une espèce qui, très rapidement, va subir des contestations qui s'inscrivent pas seulement dans le contexte local ou régional landais, où effectivement il y a des tensions entre les différents propriétaires et l'État. Et là, on va avoir des choses au point de vue idéologique qui se jouent même au niveau national, une rivalité franco-allemande, une rivalité feuillue, résineuse qui est fortement ancrée. Oui, c'est une histoire évidemment économique, la forêt, une histoire humaine, une histoire des représentations. Comment voir cette forêt, Jacques Sargos ? Pour les Landais, et je parle en historien, les Landais d'Ancien Régime par exemple, ou même du 19e siècle, pour eux, ils n'avaient pas une forêt. D'abord, ils appelaient là cette forêt les pignadars. Alors, on dit le pignadar. Aujourd'hui, on a tendance à dire la pignada. Dans les textes anciens, c'est le pignadar au masculin. Et on trouve des textes qui disent très clairement, nous produisons de la résine. Nous avons des espèces de champs d'arbres, des champs de pins. Et c'est un peu comme s'il y avait, par exemple, des vergers ou des plantations d'oliviers. Nous récoltons un produit qui s'appelle la résine, qui a quantité de sous-produits, de dérivés. Et surtout, ne nous mettez pas au régime forestier, on n'en veut pas. Alors, évidemment, globalement, effectivement, la forêt landaise a été longtemps une très grosse productrice de résine. Les choses étant compliquées, il ne faut pas être manichéen, dès le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, il se met quand même en place l'amorce d'une silviculture industrielle, notamment autour de Bordeaux, par exemple. Bordeaux est une ville qui a besoin d'énormément de bois, de charbon de bois pour... quantité pour de bois à brûler, de bois pour les boulangers, mais également de clôtures, de bois de construction, etc. Et puis d'autre part, Bordeaux a besoin de beaucoup de bois dès le XVIe ou XVIIe siècle pour la vigne, pour les échalas. Et il y a une corrélation entre la progression du vignoble dans le Bordelais et une sylviculture qui naît notamment vers le Bazadais, dans la région du Ciron, ou dans le pourtour de Bordeaux, et qui est orienté non seulement vers la production de bois, pas de résine, mais dans la production de très jeunes bois que l'on coupe très tôt. À savoir, on fait des éclaircies très tôt, et à 30 ans, on vend les derniers pins pour faire des planches, des poteaux, etc. Et là, quand on regarde le traité des arbres de Duhamel du Monceau, qui est un des grands savants parisiens du 18e, un grand agronome, qui consacre de nombreuses pages à la sylviculture dans les Landes, où il a des correspondants sur place, eh bien, il décrit une sylviculture avec des plantations en ligne qui correspond absolument rationalisée, qui correspond complètement à la sylviculture moderne. Et ça se développe dès le 18e siècle. Oui, c'est ça. C'est l'antériorité, en fait, des phénomènes qui nous intéressent toujours, parce que dans le cours de l'histoire, aujourd'hui, sur France Culture, nous parlons des Landes, la forêt des Landes, une forêt que nous imaginons souvent nette. En tout cas, c'est ainsi qu'elle est présentée sous le Second Empire, de la volonté de Napoléon III. C'est la loi du 19 juin 1857. Dans les départements des Landes et de la Gironde, les terrains communaux actuellement soumis au parcours du bétail seront assainis et ensemencés ou plantés en bois aux frais des communes qui en sont propriétaires. En cas d'impossibilité ou de refus de la part de ces communes de procéder à ces travaux, il y sera pourvu aux frais de l'État qui se remboursera de ses avances en principal et intérêt sur les produits des coupes. Le 19 juin 1857, une loi relative à l'assainissement et à la mise en culture des Landes de Gascogne. Mais ces Landes étaient déjà cultivées, vous nous le dites bien, Jacques Sargos. Il y avait déjà quelque chose ici de dynamique avec des arbres plantés pour le bois et d'autres pour la résine. Alors, il y avait un grand mouvement qui était en cours. Le boisement progressif des Landes était en cours. Et les Landes avaient déjà connu la première révolution industrielle. Notamment, ce que l'on sait relativement peu, c'est que dans les Landes, il y avait des forges. Parce qu'il y avait du minerai à fleur de terre, qui était assez faible en teneur, mais il y avait des forges, et ces forges dévoraient le charbon de bois. Donc, et puis à côté de ça, il y a par exemple l'apparition des bateaux à vapeur dès 1818 sur la Garonne. Donc, il y avait besoin d'énormément de bois, et la révolution industrielle avait déjà un impact. Et à la veille du Second Empire, il se produit également, des métamorphoses techniques. C'est-à-dire qu'il y a un ingénieur qui s'appelle Bouchery, qui trouve le moyen de faire, une injection chimique dans le bois pour le rendre beaucoup plus dur, beaucoup plus résistant. Ce qui a permis à la forêt des Landes de fournir des traverses de chemin de fer, marché en pleine expansion, mais également des pavés, entre autres pour la ville de Paris, ou des poteaux télégraphiques, tout ça se développait. Et ça, ce sont des marchés qui se développent dès le début du Second Empire, il faut le savoir. Donc évidemment, les Landes commencent à exciter les convoitises, et on se dit que toutes ces communes qui sont en train de bloquer leur vaste parcours en communaux, elles commencent à nous énerver parce qu'il y a mieux à faire. Et il y a également beaucoup de gens qui ont de l'argent à placer, notamment tous les millionnaires des chemins de fer, tous les polytechniciens, qui veulent investir un peu partout. Et parmi ces gens-là, il y a des gens que vous connaissez certainement très bien, qui sont les frères Pereire, et notamment Émile Pereire. Émile Pereire, à l'origine, est bordelais. Il s'est toujours intéressé aux Landes. On le trouve présent dans les affaires landaises dès la monarchie de Juillet. Et au début du Second Empire, il reprend la Compagnie du Midi, il crée la Compagnie du Midi, et il reprend une ligne déjà très novatrice, une des premières lignes de chemin de fer qui avait été créée en France, qui est la ligne entre Bordeaux et La Teste, et qui avait été créée en 1840 déjà pour mettre en valeur les Landes. Bon, cette ligne avait fait faillite, mais Émile Pereire la reprend, et il la prolonge jusqu'à Bayonne. Donc, d'une part, il la prolonge jusqu'à Bayonne, et d'autre part, il la prolonge également jusqu'à Arcachon, et il crée la ville d'hiver d'Arcachon, il y avait déjà une petite ville d'été, il crée la ville d'hiver d'Arcachon, qui est une espèce de merveille urbanistique, architecturale, pour des touristes de luxe, et surtout pour des malades de luxe, parce que la destination initiale était de soigner les tuberculeux. Donc Émile Pereire, à côté de ça, achète plus de 10 000 hectares de forêt pour son compte dans les Landes, il se fait construire un gigantesque chalet à Arcachon, et il finance également les routes agricoles qui vont desservir les différentes gares. Qui dit route, dit fossés latéraux. Qui dit fossé, dit assainissement. Donc, dès le début du Second Empire, avec évidemment le soutien de Napoléon III qui tout de suite voit l'intérêt de la chose, et plusieurs années avant la loi 1857, eh bien la grande transformation est lancée. Mais sur quoi on bloque ? On bloque sur les communaux, parce que les communes, évidemment, ne veulent pas et n'ont pas les moyens de drainer et de boiser leurs communaux. Donc on fait une loi d'exception au nom de la salubrité publique, au nom des miasmes et du paludisme, on fait une loi d'exception. Et cette loi d'exception à la fois va être extrêmement efficace parce que portée par le service des ponts et chaussées, qui est d'une redoutable efficacité, mais malheureusement, son application va être trop brutale, parce qu'en 12 ans, en gros, en une douzaine d'années, on supprime les parcours communaux, évidemment on les réduit beaucoup dans certaines zones, et on va provoquer, à la fin du Second Empire, on va provoquer des révoltes très importantes qui se traduiront par l'incendie. Paul Arnoux, cette histoire de la forêt des Landes, mais plus globalement, l'histoire des forêts est une histoire de propriété. C'est une vraie question pour comprendre comment peut évoluer une forêt, comment elle est exploitée. Le foncier, effectivement, c'est une des clés majeures. Et dans les Landes, il y a effectivement la propriété privée, la propriété communale, et surtout la propriété de l'État. La forêt littorale, la forêt sur les dunes, c'est une forêt qui appartient à l'État, qui est une forêt domaniale. L'État a réussi à se l'approprier, sauf dans certains cas, comme à la Thèse de Buch, et elle a réussi à se l'approprier pour des raisons d'intérêt national. Ça fait partie de ces grandes œuvres où l'État se dit « c'est à moi d'intervenir ». Sur tout le littoral, la progression du nerf, l'envahissement par les sables, était un véritable fléau. Dans l'ouvrage d'un forestier qui avait fait un ouvrage sur les dunes de Gascogne qui s'appelait Pierre Buffaut, il y a cette image, on voit le village de Soulac. Il y a les dunes qui sont à l'ouest du village. À un moment donné, le village est sous le sable. Il reste plus que le clocher qui émerge et encore. Et puis là, les dunes progressent. Une barcane, une dune, ça avance d'un kilomètre par an. Les dunes continuent à avancer vers l'est. Et le village ressurgit après avoir été complètement submergé par le sable. Donc on est là dans un contexte où le contrôle de certains milieux est nécessaire. L'État va aussi essayer de contrôler les terrains de montagne, où il y a une érosion phénoménale qui menace les grandes villes de plaine, qui provoque des inondations, des érosions phénoménales. Et l'État va aussi, là, si les communes ne font pas les travaux ou si les propriétaires privés ne font pas les travaux, l'État s'approprie les bassins de réception des torrents de montagne pour les aménager, les contrôler. On est là donc au point de vue foncier, entre un jeu entre plusieurs acteurs et avec aussi le prolétariat qu'évoquait Jacques Sargos et qui sont les laissés pour compte de ces querelles. Les laissés pour compte de ces querelles, ce sont notamment les bergers landais. Ces bergers landais, montés sur échasse, sont en voie de disparition. Et pour une fois, nous devrons nous en réjouir, puisque cette disparition coïncide avec l'assainissement du marécage que constituait la forêt landaise. Mon Dieu, que ces landes sont longues, chante le landais qui traverse ces étendues immenses. Cette chanson déroule ses 9 couplets à la façon d'une litanie, le chiffre 9 ayant un caractère magique dans tout l'ouest de la France. Nam traversat naulanes, nam traversat naulanes, se troba broc ni branes, son cumbrano, mon diu d'aquestes lanes, tal un que sur. Nam traversat guailanes, nam traversat guailanes, se troba broc ni branes, son cumbrano, mon diu d'aquestes lanes, tal un que sur. N'am traversat set lanes, n'am traversat set lanes. Chant de berger landais dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédéric, le cours de l'histoire qui se trouve dans les Landes et avec ce chant de berger. Jacques Sargos, nous pouvons évoquer la réception de ces décisions, souvent parisiennes, de créer là-bas, dans les Landes, sur ces terres considérées depuis Paris comme incultes, cet immense massif forestier. Ça n'a pas toujours été bien perçu, donc. Alors, là, il y aurait beaucoup à dire. Alors, il faut savoir que ça dépend également, ça dépend des régions dans lesquelles on se trouvait. Parce qu'il y a des régions qui étaient déjà presque entièrement converti à la forêt, comme le Marensin dont je vous parlais, et où il y avait une très bonne entente au sein de la population, notamment parce que les résiniers avaient leurs troupeaux, ceux qui récoltent la résine. Voilà, oui, effectivement, les gémeurs ou résiniers. Donc, en gros, tout le monde s'entendait bien, et il y a eu très peu d'incendies. Et la loi de 1857 s'est très peu appliquée. Mais il y avait également les communes de ce qu'on appelait le Grand Désert, où là, il y avait encore énormément de pacages. Beaucoup de ces landes communales, quand elles ont été, non pas simplement, parce qu'il faut savoir que la loi de 1857 ne prévoyait pas la vente des communaux, alors qu'il y avait beaucoup de gens qui poussaient à la vente de ces communaux pour des raisons spéculatives évidentes. Mais le problème, c'est qu'on dit aux communes, maintenant vous avez l'obligation vous avez 12 ans pour drainer et ensemencer vos landes, sinon l'État vous les confisque. Bon, alors évidemment, des communes qui ne sont pas très riches, qu'est-ce qu'elles ont fait au bout d'un moment, surtout avec la complicité parfois d'une élite communale un peu intéressée, ben on a fini par brader ces landes. Alors dans certains cas, quand ça s'est bien passé, on a fait des concessions, c'est-à-dire qu'on a accordé à chacun en fonction de ce qu'il possédait déjà. Donc tout le monde en avait en proportion de sa fortune. Mais dans d'autres régions, les communaux ont carrément été vendus aux enchères, voire bradés aux plus offrants, qui étaient très rarement des gens du pays. Et c'est là qu'on a vu arriver quantité de gens de l'extérieur. Alors je vous parlais des Pereire, mais le Pereire c'est encore autre chose. Mais quantité de gens de l'extérieur, ou des compagnies d'assurance, qui ont acheté des landes par milliers d'hectares, qui n'avaient aucune connaissance de la vie locale, aucun respect évidemment des coutumes locales, et qu'elles ont été les premiers qui se sont fait incendier, notamment à la fin du Second Empire, eh bien ce sont ces propriétés qui ont brûlé par dizaines de milliers d'hectares au lendemain du Second Empire. Et à ce moment-là, on a vu quelque chose de très étonnant. Il y a eu une commission d'enquête, il y a eu des débats à l'intérieur des Landes, et tout le monde, que ce soit les conseils municipaux, les conseils généraux, les députés, les sénateurs, tout le monde s'est élevé contre cette loi en soulignant le côté complètement abusif et arbitraire d'une loi d'exception et les désordres qu'elle a créés. Sachant qu'effectivement, les principales victimes, ça a été les petits cultivateurs, les bergers, les cultivateurs qui n'avaient que 3 ou 4 hectares, qui ont été obligés dont le bien, quelque part, était communautaire. Ils ne pouvaient pas vivre sans le bien commun. Et qui ont été obligés ou de se faire métayer, ou carrément, ils ont été condamnés à l'exode. Et une loi qui était censée encourager le peuplement des Landes, en réalité, a commencé son dépeuplement. Ouais, ça, c'est un vrai paradoxe, parce que dans la volonté de faire la promotion de ces Landes, on sent bien que derrière la publicité ou la propagande, je sais pas quel mot utiliser, on a camouflé tout ça pour faire ce magnifique massif forestier. Paul Arnoux, ces bergers ont un rôle essentiel dans cette histoire-là. Les forêts, ce ne sont pas que des arbres. Les bergers, oui, et l'imagerie traditionnelle, l'image des bergers, ça se voit bien. Il a de l'allure avec ses moutons perchés sur ses échasses. Et pourquoi ces échasses? Parce que le cœur de la lande, c'est une mosaïque, en fait. Sur ce million d'hectares, il y a la grande lande au milieu, mais il y a les petites landes du Marensin, du Borne, du Bazadais, qui sont des landes des fois sèches. Et la grande lande au milieu, c'est de la lande qui est souvent humide. Alors moi, je citais souvent un dicton, je sais pas trop d'où il vient, c'est le dicton des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle qui disait « Quand j'étions dans la lande, j'avions de l'eau jusqu'à mi-jambe ». Parce que c'était une lande inondée à cause d'un sol très particulier. On a une parenté avec les tropiques, avec les sables, les formes dunaires qui ressemblent au Sahara, mais on a une parenté avec le cercle polaire parce qu'on a un sol qui s'appelle le podzol, c'est un nom soviétique qui dit ça ressemble à de la cendre. C'est un sol où les éléments fertiles et le fer et l'aluminium se sont sédimentés en profondeur vers 50 cm à 1 mètre, donnant des sédiments souvent ferrugineux qu'on appelle la garluche, souvent dans les landes, et qui servaient à cette métallurgie qu'évoquait Jacques Sargos. Donc derrière les bergers, il y a ce paysage, ce cœur de lande humide, mais qui n'est pas le paysage total de la lande, parce que la bordure du cours d'eau qui parcourt cet endroit où il n'y a quasiment pas de pente, entre Nérac à l'est et le littoral, il y a 100 mètres de dénivelé, ça fait 1 mètre de dénivelé par kilomètre, donc les eaux, elles s'écoulent de façon très paresseuse. Mais malgré tout, le long de ces rares cours d'eau, on a de la végétation luxuriante, on a ce qu'on appelle, les écologistes appellent des ripisylves, des forêts marécageuses, avec des frênes, des aulnes, des saules, qui étaient et des milieux d'une grande richesse, et puis des fougères, notamment une fougère très spéciale, la fougère royale, l'osmonde royale, qui est une forêt absolument magnifique, qu'on trouve le long des étangs en arrière du cordon littoral, et puis dans ces petits cours d'eau qui vont vers l'océan, qu'on appelle les courants, où on a quand même une végétation, et une végétation de feuillus, et une végétation exubérante, très différente de celle du plateau. Mais dans ces landes où il y a de l'eau jusqu'aux genoux, si l'on veut planter des arbres, des pins en l'occurrence, faut ça refaire, Jacques Sargos. Comment on fait? Parce qu'on dit aux communes, allez-y, boisez tout ça, mais c'est un travail gigantesque. Alors, cela dit, d'abord, les landes, alors il y avait des lagunes. Il y avait des lagunes, il y avait des marais, mais les landes qui étaient effectivement, comme l'eau ne s'évacuait pas, les landes étaient très humides pendant l'hiver, mais elles étaient complètement desséchées, c'était un paillasson pendant l'été. Alors, pour les échasses, vous n'alliez pas traverser des marécages avec des échasses, vous seriez enfoncé. Alors c'est très pratique quand le terrain est humide, surtout que les bergers étaient pieds nus. Mais ça servait également, vous parliez de toute cette végétation broussailleuse, ça servait, comment dire, à la traverser tranquillement sans se déchirer la peau. Et puis également, les échasses, ça permet d'aller très vite. C'était un moyen de locomotion qui était quand même extrêmement, qui était relativement rapide, vu les moyens de l'époque. C'était également un moyen d'être en hauteur et de surveiller son troupeau. Et c'était un moyen encore de voir arriver les loups de loin, parce qu'il y avait des loups. Donc les échasses, et puis c'était encore autre chose, un moyen de faire des véritables performances sportives, puisque les bergers, quand Joséphine a traversé les Landes, il y a des bergers qui sont venus faire des performances extraordinaires, on leur jetait de la monnaie par terre, ils étaient capables de la ramasser alors qu'ils étaient sur échasse, et il y a eu des courses d'échasse organisées à Arcachon à partir du 19e siècle, et vous avez même qui ont été jusqu'à Moscou, des coureurs d'échasse qui ont été jusqu'à Moscou, et vous avez même un boulanger sur échasse, Monsieur Dornon, qui a grimpé la tour Eiffel, qui est monté sur la tour Eiffel avec ses échasses. Voilà. Mais alors, à côté de ça, les échasses, il n'y en avait pas partout dans les Landes, curieusement. Et les échasses, on n'en entend parler qu'à partir du XVIIe siècle. Et moi, j'ai une hypothèse, parce que quand on regarde notamment les papiers d'un érudit qui s'appelle Félix Arnaudin et un certain nombre de souvenirs, on s'aperçoit que les échasses étaient fabriquées en Médoc. Et c'était dans le Médoc que Claude Masse, l'ingénieur de Louis XIV dont je vous parlais tout à l'heure, est le premier à les observer. Moi, je pense personnellement, les échasses, il y en a toujours eu dans les Flandres. Je pense que les échasses ont pu être introduites dans les Landes par les ingénieurs flamands qui, à la fin du XVIe siècle et sous Henri IV, sont venus dessécher les marais du côté de Bordeaux, donc juste à côté du Médoc, juste aux portes du Médoc, et que là, par contagion, elles sont peu à peu descendues dans les Landes, mais pas dans toutes les régions. Voilà, donc une histoire des échasses landaises, des bergers landais, vous êtes passionnant. Peut-être flamande à l'origine. Peut-être flamande à l'origine. Mais alors, toujours cette question, comment peut-on boiser un tel espace complexe? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau, le sol n'est pas très riche. Comment a-t-on procédé? Déjà, il fallait drainer tout ça. C'est le premier travail qui a été fait. Ça a été le travail des ponts et chaussées. Et finalement, c'est allé, ils savaient très bien comment faire. Parce qu'on a toujours su drainer dans les Landes. Le problème, évidemment, c'était l'immensité du territoire. Et puis, c'était également que, à quoi bon drainer? D'une part, il y avait le problème dont on parlait, à savoir les packages communautaires. Mais à quoi bon drainer et cultiver de la forêt si vous n'avez pas les débouchés? Or, il se trouve que, à plusieurs reprises, les Landes au XVIIIe siècle notamment, étaient victimes de surproduction. À savoir, il fallait, comment dire, d'une part, des marchés pour absorber les produits, et il fallait également, surtout, pouvoir les transporter. Donc la question principale des Landes, c'était surtout les moyens de transport des marchandises. Et c'est pour ça que depuis le XVIIIe siècle, on parlait de faire des canaux. Et l'un des plus grands projets des ponts et chaussées à partir du Premier Empire, sous la direction d'un ingénieur qui s'appelait Claude Deschamps, qui a notamment construit le pont de Bordeaux, c'était de faire un gigantesque canal entre Bordeaux et Bayonne, qui aurait permis de mettre en culture la totalité des Landes de Gascogne. Parce que d'une part, le canal, c'était un collecteur pour les eaux qu'on amenait ensuite avec des canaux secondaires. Et puis, d'autre part, ça transportait les marchandises. Et bien finalement, c'est le chemin de fer, le canal n'arrivant jamais à se faire, c'est le chemin de fer qui a permis de régler le problème. Et je vous parlais des routes agricoles. Les routes agricoles, c'est aussi des forêts des fossés latéraux. Donc, on ajoute à ça quelques collecteurs bien faits. Et ça fait que les ponts et chaussées, en quelques années, ont réglé le problème de l'assainissement. Paul Arnoux. Moi, je voulais essayer de comparer aussi ce qu'évoquait Jacques Sargo, c'est-à-dire l'assainissement du littoral qui va des Flandres, mais fait le Marais Poitevin, et puis tous les milieux marécageux de l'estuaire de la Gironde. On a là un grand aménagement où on essaye de maîtriser les eaux avec des water gangs, des voies de l'eau. Et on va être dans la même logique pour les Landes, mais ça ne sera pas les Hollandais qui étaient les grands spécialistes du littoral qui vont le faire. Ça va être effectivement des ingénieurs des ponts et qui vont quand même arriver à trouver un subtil réseau. Les fossés de drainage localement, je crois que ça s'appelle les crasts. Il faut arriver à trouver une pente suffisante pour les relier aux voies de drainage principales. Donc là, il y a eu quand même... On avait drainé le long de la voie ferrée. Il y a eu quand même toute une pensée de l'aménagement du territoire et des techniques maîtrisées qui sont importantes. Deuxièmement, le chemin de fer, c'est vrai que ça permet l'exportation et ça inscrit le massif landais dans l'économie nationale, dans l'économie monde. Économie monde parce que à des grands coups de boost pour le massif landais, c'est la guerre de sécession aux États-Unis en 1861. C'était à des grands producteurs de résine, les grandes forêts de pins du sud des Appalaches dans les États, chez les sudistes. L'exportation de la résine est interdite. Or, la résine, c'est le matériau de base des industries chimiques qui sont en plein essor à la fin du 19e. Et pendant 4-5 ans, les Landes vont avoir le monopole de la résine et vont se faire de l'argent à gogo, ça va être l'âge d'or, en plus déjà de toutes les utilisations industrielles, les poteaux télégraphiques, les voies de chemin de fer, les étés pour les mines, avec la révolution industrielle, avec les mines de charbon, les mines de fer, les grands réseaux de communication, on a un besoin fou de bois, calibré, stéréotypé, et les Landes sont là pour ça. C'est une histoire économique. Térébenthine de synthèse. Plus besoin de résine. American Dream. Camiade, vous êtes affligeant. Vous en avez d'autres comme celle-là? L'or en barrique, c'est fini. Et je ne vous alerte pas de gaieté de cœur. Je suis le premier touché. Il faut diversifier davantage nos productions. Nous avons trop misé sur la résine. Oui, écoutez, les mines anglaises périclitent et on ne construit plus de voies ferrées. Vous pouvez toujours diversifier. Si personne ne veut de nos poteaux de mine et de nos traverses, qu'est-ce que vous allez faire? Des cure-dents? Des poteaux électriques? Pardon, Madame Duprat? Non, rien. Moi, j'ai tout un bataillon d'agronomes qui veut se pencher sur mes parcelles. J'ai même un chimiste canadien qui va me proposer un procédé pour rendre le bois de pin imputrescible. Landes, le film de François-Xavier Vivès. Nous sommes dans les années 1920 dans ce film, avec toute une réflexion sur l'industrie des Landes. Et nous entendons combien, eh bien, l'essence des Térébenthine, c'est-à-dire ce qui est issu de la résine et puis le bois lui-même, est à l'origine en fait du succès des Landes. Jacques Sargos, que produit-on dans les Landes? C'est la résine principalement qui rapporte de l'argent et le bois, c'est ça, et on oublie tout le reste. Plus aujourd'hui. Voilà, plus aujourd'hui, non, mais au 19e siècle quand le massif est développé. Alors, ça dépend des régions, parce qu'il y a des régions qui sont productrices de bois, parce qu'on a besoin de bois, on a besoin aussi de charbon de bois, on a besoin de goudron. Par exemple, Colbert a essayé de développer la fabrication de goudron pour la marine dans la forêt de la Teste et sur les Landes au XVIIe siècle. Et puis donc, il y a l'économie traditionnelle qui est effectivement celle de la résine qui a quantité de dérivés de sous-produits. Ce qu'il faut savoir également, c'est que certaines régions des Landes étaient dès les XVIIe ou XVIIIe siècle spécialisées. C'était des cultures spécialisées dans la production principalement de produits résineux. À tel point que quand il y avait un problème, par exemple une guerre où on décrétait un blocus sur des produits stratégiques, les produits landais étaient des munitions navales, à ce moment-là, c'était la famine dans les Landes. Parce qu'on avait l'habitude, dans certaines régions, notamment tout le Marensin, mais également du Médoc, on avait l'habitude d'échanger les produits résineux contre des grains qu'on ne produisait plus dans certaines régions. C'était déjà une économie spécialisée au XVIIe ou XVIIIe siècle, ce qui est très intéressant à savoir. Et corrélatif, comment est-ce qu'on les transportait? Eh bien, il y a une autre figure familière de l'époque par rapport aux bergers, c'était le bouvier. Et les bouviers étaient des figures... Alors d'abord, ils avaient à peu près la même touche, la même apparence que les bergers. Je dirais une apparence d'extérieur tout aussi farouche, avec le manteau de peau de mouton qui leur traînait jusqu'aux pieds, le béret, et puis des... Tous les gens qui les voyaient, ils les prenaient pour des convois de Tartares. Les vocations étaient très souvent faites. On parlait aussi des Arabes de l'Aquitaine, après tout, parce que c'était le Sahara. Les Landais étaient les Arabes de l'Aquitaine. Et on voyait ces convois de bouviers avec des chars à bœufs, qui étaient des chars souvent, des vieux chars à deux roues, à quatre roues, extrêmement archaïques. Il y avait des convois, parfois de dizaines de chariots, avec donc ces bouviers très rustiques, et qui étaient familiers dans toutes les grandes villes du pourtour, à Bordeaux, à Bayonne, à Dax, etc. Parce qu'on voyait arriver parfois 300-400 bouviers les jours de marché, qui envahissaient par exemple à Bordeaux la place d'Aquitaine, devenue la place de la Victoire. Et là, à ce moment-là, on voyait en plein Bordeaux des gens sur les chasses. Et ces gens-là transportaient donc des produits résineux, mais également du charbon de bois. Les charbonniers landais étaient très présents à Bordeaux, par exemple, de la laine, du miel, qui était une grosse industrie à un moment, et aussi d'ailleurs, et aussi des grains, donc et de la viande d'agneau. Donc, il y avait une économie spécialisée dans les Landes, et il y avait déjà des transports. Et puis, il y a un héros dans cette histoire. Alors, tous sont des héros, les bergers, les bergères aussi, les bouviers, il y a les moutons, il y a les bœufs, mais il y a le pin, l'arbre d'or. Alors, Paul Arnoux, faut le présenter, cet arbre, qu'a-t-il de particulier? Déjà, l'idée même de planter des pins ici, dès le début, dès le Second Empire, est une évidence, parce qu'on sait que dans cette lande, pas grand-chose d'autre va pousser. Le pin maritime, c'est une espèce de résineux spécifique du monde océanique atlantique et qui est sensible aux gelées. Le pin maritime avait été introduit à Fontainebleau sous François Ier. Et Jacques Sargos, dans son livre, évoque cette arrivée des pins. Des landais. Des pins landais. Des pins landais, histoire de la forêt des Landes. C'est pas un petit seigneur du Marans. Ils ont pris à coup de froid Fontainebleau, ils ont gelé, ils ont disparu. Ce qui fait que dans les grands reboisements de Sologne, on met pas du pin maritime, on met du pin sylvestre. Et dans les boisements de la Champagne pouilleuse de la même époque du 19e siècle, on met du pin laricio, du pin noir d'Autriche, qui sont plus des espèces continentales qui supportent mieux un contexte climatique différent. Mais là, la grande espèce, on en trouve énormément aussi au Portugal, du pin maritime, c'est une des grandes espèces. Par moment, même quand il y aura eu des gelées qui affecteront même le massif landais, on essaiera de faire venir des espèces de pin maritime du Portugal, qui est un pin qui est encore plus gélif, plus sensible au gel que l'espèce locale. Mais on a là une espèce quand même tout terrain, hein, qui est d'une frugalité étonnante. On a réussi à lui faire fixer les dunes littorales avec une herbacée qui est l'Oya et le pin maritime. C'est l'arbre et l'herbe, les deux grands champions de la fixation des dunes littorales. Donc c'est un tout terrain. Il a besoin d'un substrat très pauvre, du sable, pas beaucoup d'eau. Et puis, effectivement, faiblesse un peu au vent, faiblesse à la sordille, dont on va devoir parler, je pense. Ce qui est très important, c'est qu'il n'a pas besoin de couvert forestier pour se développer. C'est une essence de lumière et c'est un colonisateur d'espaces non boisés. Et puis, il y a, c'est vrai, pour cet arbre, et vous venez de l'évoquer, Paul Arnoux, l'incendie, le risque de l'incendie. Quand nous parlions tout à l'heure de la mise en place de ce massif forestier des Landes, Jacques Sargos, vous rappeliez que certains Landais, un peu en colère contre la confiscation des terres communes, pouvaient mettre le feu. Pourtant, dans l'histoire de la forêt des Landes, on a le souvenir du grand incendie de 1949, déjà. Mais est-ce que les incendies des Landes étaient quelque chose de récurrent, d'observer sans cesse? Alors, ça a toujours été le grand problème. Pas forcément, d'ailleurs. Alors, c'est un des symptômes des conflits sociaux qu'il y a pu y avoir, notamment autour de la possession de la lande, mais il y avait également des incendies qui pouvaient tout simplement d'origine accidentelle, pour quantité de raisons déjà à l'époque. Une des raisons étant les écobuages, les feux courants pratiqués par les bergers régulièrement pour débroussailler la lande, et qui pouvaient se propager aux forêts voisines. Il faut savoir que, par exemple, la forêt de la Teste, qui malheureusement s'est illustrée ces derniers jours, puisqu'elle a en partie brûlé, la forêt de la Teste avait entièrement été ravagée par un incendie en 1716. On a mis 30 ans à s'en remettre, avant que ça repousse tout seul d'ailleurs. Et surtout, le Marensin, dont je vous parlais tout à l'heure, premier berceau de la culture du pin, il y a eu un incendie dans le Marensin en 1755 qui a brûlé à peu près de l'ordre de 40 000 hectares. Ça a été un incendie absolument terrible. Et l'intendant d'Étigny à Auch a été porté secours aux habitants des Landes. Il a fait les rapports extrêmement précis. Les gens étaient complètement ruinés parce qu'ils ne vivaient que de la forêt. Et cet incendie était quelque chose, comme on a vu récemment, qu'on ne pouvait plus maîtriser. Les incendies du mois d'août 2022 ont été une véritable catastrophe. Ça. Et les incendies ont fait partie de la vie quotidienne des Landais. Et malheureusement, il semble que c'est quelque chose qui soit en train de revenir, alors qu'on pensait le danger écarté à la suite des mesures qui avaient été mises en place après-guerre. Paul Arnoux, vous êtes l'auteur d'un atlas du développement durable avec Yvette Verret, publié chez Autrement. Quelle place a une forêt comme celle des Landes dans la réflexion sur le développement durable ? Dans notre atlas, on a surtout parlé de nouvelles choses qui s'appellent les forêts d'exception, qui sont des forêts labellisées parce que elles essayent de conjuguer les vertus d'un développement économique, d'une protection écologique et puis de laisser une fréquentation sociale de qualité. Et dans les forêts d'exception, il y en a 15 qui ont été labellisées à ce jour en une dizaine d'années. Et il y a les forêts de Bassin d'Arcachon qui ont été labellisées forêts d'exception. Donc c'est même la forêt landaise a sa place comme forêt modèle, forêt exceptionnelle. Je voulais dire aussi à propos des incendies que c'est dans les Landes qu'on a inventé le système de protection qu'on appelle la DFCI, la défense des forêts contre les incendies, après les gigantesques incendies de la fin de la dernière guerre mondiale où il y a eu la moitié du massif qui a brûlé et puis où il y a eu une des plus grandes catastrophes humaines avec presque de 90 morts des pompiers qui ont péri en 1949. Merci à tous les deux de nous avoir conduits aux racines des Landes avec cette réflexion évidemment obligatoirement contemporaine sur la fragilité de ces massifs forestiers. Merci beaucoup Paul Arnoux, l'Atlas du développement durable, et merci à vous Jacques Sargos. Bordeaux, au temps du port de la Lune, que vous publiez évidemment votre histoire de la forêt landaise et l'esprit des Landes. Un pays raconté par l'art, parce que tout ça aussi est une histoire d'art. Mais pour le moment, l'artiste s'appelle Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Comment devenait-on célèbre au XVIIIe siècle ? Il existe une différence essentielle entre la gloire et la célébrité. Jusqu'au XVIIIe siècle, les personnages hors du commun, comme Cléopâtre, Jules César ou Louis XIV, atteignaient la gloire. Cette forme de reconnaissance était réservée aux rois et aux reines, ainsi qu'aux chefs de guerre. Même des artistes aussi célèbres aujourd'hui que les peintres de la Renaissance étaient considérés comme des artisans au service des puissants dont ils étaient chargés d'entretenir la gloire. Les gens ordinaires pouvaient néanmoins devenir des chefs charismatiques quand leurs exploits étaient diffusés par le bouche à oreille, c'est-à-dire par une forme de communication fondée sur des liens directs d'individu à individu. Pour que s'imposent dans l'espace public des personnages célèbres, il a fallu une véritable révolution dans les modes de communication. Au milieu du XVIIIe siècle, l'expansion formidable de la littérature imprimée a donné naissance à un public d'un nouveau genre, les lecteurs et les lectrices des gazettes et des romans. Un nouvel espace public a pu ainsi se développer, animé par les premiers intellectuels modernes qu'ont été les écrivains philosophes comme Voltaire, Rousseau ou Diderot. Dans le même temps, la presse illustrée s'est diffusée dans les milieux populaires, d'abord en Angleterre, puis sur le continent. C'est l'essor de cette première société du spectacle dans les principales capitales européennes qui a permis le triomphe de la célébrité. Cette nouvelle forme de reconnaissance fut une étape importante dans l'histoire de nos démocraties, puisque des individus issus du peuple ont pu s'imposer dans l'espace public. Mais pour atteindre la célébrité, il fallait en payer le prix. La gloire renvoyait aux héros antiques, à l'épopée et à la commémoration des morts glorieux, alors que la célébrité repose sur l'identification du public au personnage célèbre, ce qui oblige ce dernier à se conformer aux attentes de ses fans. Et comme la relation qui procure la célébrité repose sur des formes indirectes de communication médiatisées par l'image et par l'écrit, en devenant une figure publique, l'homme célèbre perd le contrôle de lui-même. Il est dépossédé, partiellement, de son identité personnelle. Ce dédoublement est un phénomène que nous acceptons aujourd'hui comme une évidence. Mais au XVIIIe siècle, cela n'allait pas de soi. Jean-Jacques Rousseau est le meilleur exemple des souffrances psychiques qu'a pu provoquer le fait d'accéder brutalement à la célébrité. Écartelé entre son mal-être en société et l'amour étouffant des lecteurs qui vénéraient leur Jean-Jacques, l'auteur de la nouvelle Héloïse fut fortement affecté par ce qu'on a appelé sa paranoïa. Il finit par se persuader que le public qu'il adorait était instrumentalisé par ses détracteurs. C'est sans doute cette souffrance du dédoublement qui l'a poussé à écrire dans le préambule de ses Confessions « Parmi mes contemporains, il est peu d'hommes dont le nom soit plus connu dans l'Europe et dont l'individu soit plus ignoré. » C'était Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission à retrouver, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.